des honnards et des gothiques. De vrais connards, blaireaux sataniques. On y trouve plein de parasites. Qui certains c'est vraiment des pas cochères.